Bribe. Quatrième reprise. Je crois que nous aurions tous pu vivre heureux, en un sens, Dieu, moi et les autres, sans ce maudit bouquin. Il me répugnait. Je savais le lien qui me rattachait à lui de la plus écœurante des façons, mais cette horreur-là est venue plus tard, bien plus tard. Je n'ai pas compris tout de suite. J'étais trop ignorant. J'aimais Dieu, oui, mais je détestais ce bouquin qu'il ouvrait pour un oui ou pour un non. Dieu, lui, ça l'amusait énormément. Quand Dieu était content, il écrivait. Quand Dieu était en colère, il écrivait. Le souvenir s'est lancé sur une nouvelle vision, un livre pour enfants. Autant le souvenir ne lui donne aucune indication sur l'endroit où il se trouve, autant il abonde en détails sur ce livre. C'est donc que c'est important. Les grandes illustrations colorées représentent tour à tour un palais oriental au décor surchargé, une oasis perdue au milieu du sable, des femmes nues sous des voiles turquoises et, dans chaque scène, le même personnage, un cavalier à la peau enluminée d'or. À première vue, aucun intérêt. À travers l'épaisseur du souvenir, il parvient à décrypter les émotions que lui inspirent ces images, fascination et jalousie. L'Odin d'autrefois aurait voulu ressembler au personnage du livre pour enfants. Il ne s'aime pas tel qu'il est. Et c'est tout. Les images ne lui apprennent rien. Il décide donc de concentrer son effort de mémoire sur le texte. Et c'est une langue ancienne de celle qui se pratiquait avant la déchirure. Ce n'est pas la langue que parle Odin. Celle que leur a enseigné Dieu à la maison, celle qu'emploieront un jour tous leurs descendants à quelques variations près. Pourtant, d'une façon ou d'une autre, il a dû essayer d'assimiler la langue de ce livre pour enfants, car il se revoit en train de déchiffrer les caractères du titre sans difficulté de compréhension, « Les extraordinaires aventures du prince Farouk ». C'est donc cela. Il comprend à présent la motivation sous-jacente à ce souvenir, une crise d'identité. Il voudrait que ce livre pour enfants soit son livre à lui. Pour la première fois depuis qu'il remonte les ramifications de sa mémoire, il le voit enfin. Son livre. Pas celui d'Artémis, pas celui d'un autre. Le sien. Avec des gestes méticuleux, il le sort et tourne ses épaisses pages faites en peau. Répulsion. Le livre est rédigé dans un alphabet que Dieu ne lui a jamais appris. Cette langue-là, seul Dieu la comprend. Elle ne se parle pas, elle s'écrit. Dieu s'en sert chaque fois qu'il est pris d'une nouvelle pulsion créatrice. Il positionne côte à côte le beau livre du prince Farouk et son hideux livre à lui. Ouvrage de papier et ouvrage de chair. Le premier lui parle de contrées chaudes, l'autre le destine à un monde de glace. Il le ressent soudain dans tout son corps, cet appel qui le pousse vers le nord, vers un monde aussi blanc que lui, sans oasis et sans palais oriental. Le moment venu, il devra s'y rendre comme le ferait un oiseau migrateur. Parce que c'est écrit. Pourquoi? Pourquoi devrait-il suivre les ordres d'une langue qu'il ne comprend même pas? Il ne veut pas de ce destin dicté par Dieu, de cette histoire qui ne lui appartient pas, de ce pouvoir qu'il ne maîtrise pas. Il ne veut pas quitter la maison, quitter Dieu et les autres. Il ne veut pas devenir ce qu'il est censé devenir. Il ne veut pas être ce qu'il est censé être. Il ne veut même pas de son nom, Odin. Le souvenir est en train de prendre une tournure intéressante. Il s'est passé quelque chose cette nuit-là, quelque chose d'essentiel. Qu'est-ce que c'était déjà? Ah oui, le couteau. Ça lui revient à présent. Il brandit un couteau. Il regarde tour à tour les extraordinaires aventures du prince Farouk et son hideux livre de chair. « Je m'appellerai Farouk », s'entend-il murmurer. Il poignarde son livre et la douleur le submerge tout entier. Le souvenir s'achève ici. Nota bene. Scelle tes charmes. Qui a prononcé ces paroles? Et que signifie-t-elle?